comme les contrôleurs, le spécialiste. Le spécialiste dans la place. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. Je reste original, bluffant comme Busta Flex. Au concert plein de puissance à la Das FX. Me prends pas la tête, non. Mais qu'est-ce qui fait marcher les sages? Demande à Jimmy J, MC Solar, Menelix, Léo, les démocratés. 1995, me façon prend ses frères. Contact assassin pour l'homicide volontaire. Psychose, timide et sans complexe. Ce système m'a fait comprendre que c'est sexe. Violence, ça fait flouze. On sent du jazz pour la voix du peuple. Mafia underground pour un égotique. Porte-manautica, alliance ethnique. Je vous rassure, la base est trois fois plus efficace. Quand elle connaît son passé, il n'y a plus de menace. J'étais en classe à l'école du micro d'argent. Le temps s'efface, la vérité est toujours au-dessus du mensonge. Les derniers messagers pour le troupeau. Et n'oublie jamais, qui sait me lever en récolte de zéro. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. Mégaphore en rap comme Pete Bacardi. Ma clique avise le sommet. Je suis lunatique, bestial pour de la monnaie. Il comme les X-Men. I am le lyrical shuriken. Une putain juridique qui m'aime. Fais péter le son dans ta BM. Garçon de Nito jusqu'à match. Je crache mon double H. Lâche des sacrés trucs de base. On est marche, je vois mon argent dans la marche. Je squatte avec mes crooks et mes Timberland boots. Freestyle avec Big F dans le coin de rue. Partage le même point de vue. Ramène les bouteilles, mon gars, t'es bienvenu. Vraiment rien à foutre. Enfoiré ici, c'est bien. Pécho des lycées. Et fume la weed dans l'ICN. À l'ancienne, mais aujourd'hui c'est qui le mythe? Riga retourne aux pyramides. Balance un style monté de toutes pièces comme un braquage. On ramène le coffre fort, dégagez les passages. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On les met en fèche la nuit comme le Wu-Tang. La base est ilmatique comme Nastinaz. Des disciples de la musique comme Shabazz. Frérot, la vieille époque était si belle. J'voyageais jusqu'à Harlem quand j'écoutais l'album de Beagle. Fais péter les décibels. Balance le pense, on la base, le potentiel. Tu le vois, tu prépares les pansements. Infâme, comme Avok et Prodigy. J'écoutais Mafia qu'un free avec mon frère au Mohiji. Repose en paix, prolo. L'amour que j'avais pour toi, tu peux pas le comparer à la valeur paix, prolo. La vie est brutale, le combat continue. Comme idéal, check la répute qu'on a dans la rue. Ravage partout où on passe. C'est la base dans la place. Les leaders de la nouvelle école. Boss à boss. 2013, connexion True Commerce. Comme la time bomb, on explose tout le commerce. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On balance des phrases en or. On est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores. On les met en on est les spécialistes des rimes organisées. Ma team est vaccinée contre les impuretés sonores.